Mosaïque. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler du président Melchior Ndadaye, le héros de la démocratie. En effet, ce 21 octobre, les Burundais commémorent le 24e anniversaire de l'assassinat du président Ndadaye. Ce premier président, démocratiquement élu, a été assassiné le 21 octobre 1993, après 102 jours passés à la tête du pays. Alors leader du parti Saonia Fodebou, ce président Melchior Ndadaye avait commencé sa lutte politique en exil, dit-on. Pour comprendre son parcours politique, ses valeurs démocratiques, l'état des lieux de la démocratie au Burundi et surtout les leçons qu'il faut en tirer, nous avons invité l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, son compagnon de lutte politique, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup et permettez-moi aussi de saluer les auditeurs qui nous suivent. La mise en onde est assurée par François Akimana et au micro, vous retrouvez Joseph Sabiabandi. Bienvenue. Mosaïque. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce qu'était le président Melchior Ndadaye? Un visionnaire, un homme dévoué pour son pays, un homme qui avait dans ses soucis la justice dans les relations humaines. Et personnellement, je l'ai connu pour la première fois le 2 mai 1979. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'occasion d'apprécier ce qu'il était, d'apprécier ce qu'il faisait et d'apprécier ce qu'il pouvait. Le président Ndadaye avait donc une vision pour le Burundi. Il voulait en Burundi les concilier au vu des épisodes douloureux par lesquels le pays était passé. Il voulait en Burundi démocratique pour favoriser les bonnes relations humaines dans la liberté. Il voulait en Burundi prospère, ça veut dire où l'économie est bien organisée, bien géré, avec un souci particulier qu'il fallait concentrer le plus grand effort sur le monde rural. Je pense avoir fait la synthèse de ce qu'il était dans ces quelques mots, mais je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que Ndadaye a été un grand homme politique dans ce pays, au vu de ce qu'il a impulsé, au vu de ce qu'il a fait pendant les 102 jours que vous avez signalé tout à l'heure, et au vu de ce que justement nous gardons de lui. Melchior Ndadaye en visionnaire, où peut-on placer les débuts de sa carrière politique? Ndadaye Melchior est parti d'ici au Burundi en 1972. C'était suite à la tragédie qu'il vivait au pays et il s'était réfugié au Rwanda. C'est là où en 1975, avec d'autres camarades, on s'appelait camarades à l'époque, ils avaient fondé le mouvement Bampère, le mouvement des étudiants progressistes burundais réfugiés au Rwanda. Et ce mouvement a œuvré l'assemblée des étudiants qui se trouvaient à l'université, des étudiants burundais bien sûr, qui se trouvaient à l'université nationale du Rwanda ou alors à l'institut pédagogique national, comme d'ailleurs c'était le cas pour Ndadaye, des étudiants qui voulaient donc réfléchir sur comment sortir le Burundi des marasmes multiples dans lesquels il se trouvait, suite justement aux crises que le pays avait connues. Tout le monde se souvient qu'il y avait eu des crises en 1965, 1969, 1971, 1972. Et cette association dans laquelle il était se voulait une association avec une idéologie progressiste, j'allais me dire marxiste. À l'époque, vous savez qu'on parlait du Méproba, qui avait vu le jour en Belgique en 1969. Et certainement quelle idéologie marxiste qu'avait emprunté le Méproba et dont Ndadaye, certains de ses amis lisaient les publications ou avaient des relations, doit avoir influencé dans son choix. Et 4 ans après, en 1979, Ndadaye et ses amis, dont moi-même, ont fondé ou avons fondé le parti Ubu, Umugambwe w'Abakozi mu Burundi, ou en français, Parti des travailleurs burundais. Et ce parti s'inscrivait dans la suite de Bampère. Bampère qui avait d'ailleurs, à ce moment-là, j'allais dire fusionné, si on peut parler ainsi, avec une autre organisation de Burundais qui se développait cette fois-ci à Kigali. Je pense que c'était le cercle des progressistes burundais, si j'ai bonne mémoire. Et donc Bampère et son sœur Créla avaient fondé le parti Ubu. Melchior Dada est occupé dans son parti les responsabilités de secrétaire national à l'information. Moi, j'occupais les responsabilités de secrétaire national aux relations extérieures. Si vous voulez, pendant les grands hommes qui ont marqué justement cette période, Cyprien Taghami, il a été le secrétaire national aux questions économiques. Et ce parti a évolué de 1979 à 1982. En 1981-82, il y a eu une crise de vision et de stratégie qui a fait que Ndadaye a pris quelque peu ses distances par rapport à ce qui était le parti Ubu. Et le 5 septembre 1983, nous avons décidé de rentrer. Nous sommes rentrés au Burundi ensemble en 1983. Est-ce que l'origine de votre retour au pays, c'est cette diversion de vision au niveau de votre parti Ubu? Oui, vous savez, à l'époque, nous avions monté une stratégie du parti Ubu qui visait une action par plusieurs étapes. La première étant la conscientisation politique. La deuxième étant, je pense, si je me souviens très bien, le recours à l'état armé pour conquérir le pouvoir. Mais suite aux bouleversements qui sont passés dans le monde soviétique, à l'époque il y avait déjà le syndicat Solidarność qui s'est imposé de plus en plus en Pologne, suite d'ailleurs je pense à cet encouragement qui avait été donné par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II aujourd'hui, et qui avait dit aux Polonais, n'ayez pas peur. Et nous partant de cela, nous nous sommes dit que même au Burundi les choses pouvaient changer sans passer nécessairement par la lutte armée. Parmi nos camarades, il y en a qui n'auront pas accepté, qui ont dit que c'était une déviation. Et c'est là où Ndadaye et moi-même avons commencé à prendre des distances. Et nous avons rejoint d'ailleurs ici au Burundi certains de nos camarades qui étaient déjà rentrés. Je pense par exemple à Léon Sengakumana. Il était très jeune par rapport à nous. Bon, mais nous tous étions des jeunes à l'époque. Je pense à d'autres que peut-être aujourd'hui l'opinion ne connaît pas, mais à qui je dois absolument rendre hommage au vu de comment ils se sont impliqués dans la naissance et dans l'animation du parti Ubu. Et une fois donc arrivé ici au Burundi, l'autre action de Melchior Ndadaye a été d'essayer d'entrer en relation, en rapport avec ce qu'on pourrait considérer comme les pans progressistes au sein du parti IPRONA, qui se manifestait particulièrement au sein de la jeunesse et l'évolution de l'organisation de la JRR et de l'Union des travailleurs burundais et du TB. Mais là aussi, on n'est pas parvenu à converger de manière définitive. Et c'est ainsi qu'en 1986, nous avons pris l'option de créer dans la clandestinité le parti Sabanyafrodé. Avant peut-être d'arriver ou bien d'aborder la création du parti Sabanyafrodébou, quand vous avez décidé de rentrer, c'est un militaire qui était au pouvoir, alors que quand vous avez fui le pays, c'était un militaire qui dirigeait le pays. Est-ce que vous n'êtes pas revenu avec la peur dans l'âme? Ndadaye, quand il s'est réfugié, c'était effectivement sous le pouvoir militaire globalement. Avec Mitombero à la tête. Oui. Moi, quand je suis parti en exil en 1979, c'était Bagaza. Et quand nous revenons en 1983, c'est toujours Bagaza qui est au pouvoir. Ouais. J'ai d'ailleurs eu le temps, je le dis de passage, j'ai eu beaucoup de temps de parler de cela avec lui. Bon, alors, quand nous revenons, c'est vrai, la situation était difficile. Le Burundi était une société politiquement très fermée. Et le seul débat politique accepté, et là encore très contrôlé, devait se passer uniquement à l'intérieur du parti IPRONA. Les autres sphères d'expression, les autres pôles, les autres zones d'expression étaient interdites, empêchées. Mais nous, nous pensions et nous agissions en tant que leaders politiques, voulant le changement au Burundi. Et quand vous vous engagez dans une telle perspective, vous devez également accepter de prendre des risques. Et ce risque-là, nous l'avons pris. C'est pas, vous voyez, que nous sommes rentrés individuellement et non dans une dynamique et touchant l'ensemble des centaines de milliers de réfugiés burundais qu'il y avait et dans les pays voisins, particulièrement en Tanzanie, au Rwanda et dans le Zaïre, qui est devenu plus tard la RDC, la République démocratique du Congo. est-ce que à votre arrivée et à l'arrivée de du fait président américain Ndadaye, est-ce que vous n'avez pas été sollicité pour intégrer le parti unique qui était l'UPRONA? À vrai dire, pour vous donner le témoignage de ce qui me concerne particulièrement, nous n'avons pas eu de sollicitation dans cette voie tout de suite. Je me souviens d'ailleurs que comme le port de la carte du parti UPRONA était une sorte de sauf-conduit, personnellement j'ai essayé d'en avoir, mais on m'a refusé. On ne m'en a pas donné du tout. Je crois que... On vous a donné des explications à ce refus? Non, on n'a pas donné des explications. Mais c'est après que, par des arrangements multiformes, j'ai fini par avoir ces âmes. Mais je vous dis que ce n'était pas du tout facile. Par contre, comme je vous l'ai dit, nous avions une ambition. Entrer en contact avec les sphères progressistes évoluant dans le parti UPRONA. Et nous avons eu des contacts avec les gens pendant les 3-4 ans qui nous avons passé avant la création du parti Sahraouien Front Debout. Je peux vous citer des noms aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Des gens avec lesquels nous avons travaillé personnellement quand j'étais, par exemple, à la Radio Nationale. Je pense que des gens comme Nahima Jabekmas, je crois qu'il vient en Belgique aujourd'hui, comme Innocent Morosi, comme qui encore, je ne sais pas la radio, non, mais d'autres personnes, même au niveau de l'UPRONA, qui avaient des contacts avec Melchior Ndadaye et avec nous-mêmes, on se rencontrait, on échangeait, on discutait. Et je crois que c'est peut-être là, à travers les échanges que nous avons eus, que certains ont commencé à penser qu'ils pouvaient effectivement nous récupérer à l'intérieur du parti UPRONA. Mais avant lors de notre retour, il n'y avait pas eu de sollicitation, puisque visiblement nous n'étions pas connus du commun des mortels. À cette époque-là, que vous dites, vous avez songé à la création du parti Sahraouien Front Debout, il n'y avait pas d'espoir pour le municipalisme au Burundi. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à créer ce parti, malgré que cet espoir-là n'était pas d'actualité, comment dirais-je? D'abord parce que ce n'était pas pour la première fois que nous pensions à la création d'une organisation politique en dehors du parti UPRONA. Je vous ai dit déjà qu'en 1975, Ndadaye et ses amis, ses camarades, avaient créé Bampel. Je vous ai parlé également d'Orubu. Donc, il y avait déjà une certaine logique dans laquelle nous étions. Et nous avions de plus en plus de l'expérience à la matière. Et nous étions convaincus qu'on ne pouvait pas mener cette politique, cette stratégie pour le changement au Burundi sans avoir un cadre bien organisé dans lequel nous pouvions le faire. Bien organisé sur le plan idéologique, bien organisé politiquement, mais aussi bien organisé par rapport aux tactiques qu'il fallait emprunter pour parvenir à notre but. Et c'est alors que quand nous avons vu que parmi nos concitoyens avec lesquels nous parlions, qui appartenait à l'UPRONA mais qui ne voulait pas prendre cette décision ultime de créer notre parti, nous avons décidé de le créer seul, de le créer seul au départ. Et je crois que après tout le monde s'est rendu compte que la stratégie que nous avons adoptée était une stratégie très juste, très correcte, puisque après 6 ans, 7 ans plus tard, nous avons gagné les élections de 1993. Depuis la création du parti Sahraouien Front Debout, le président Ndadaye avait quelles responsabilités au sein de ce parti? C'était un animateur, pourrais-je dire. C'était une sorte de coordonnateur, mais dont tout le monde reconnaissait le leadership. Quand bien même nous n'utilisions pas ces termes de président alors, tout le monde voyait, tout le monde constatait Ndadaye était le cœur, le noyau de cette association, de cette organisation qui s'appelait Parti Sahraouien Front Debout. Mais nous nous rencontrions et nous agissions comme des camarades, prenant des décisions de manière collective. Mais bien sûr, tout en sachant qu'il y avait au milieu de nous quelqu'un qui était, j'allais dire, l'organe inspirateur de ce que nous faisions. Et d'autres choses que je vous dirais, c'est que nous avions entre nous non seulement cette camaraderie d'ordre politique, mais également des relations sociales et très nourries. Et des fois, je me mets à répéter à certains quelles sont les caractéristiques qui le montrent et d'où nous avons trouvé nos épouses, qui se connaissaient aussi, ayant pour toutes étudier, je pense, à l'école normale des filles de Gitega. Madame Dadaé, Madame Tadiami, là, feu mon épouse, avait fréquenté l'école normale des filles de Gitega. Et elles se connaissaient. Et cela a renforcé vos relations au sein du parti? Absolument, de manière que quand je me trouvais chez Dadaé, bon, quand elle se trouvait chez moi, ou quand j'allais chez Nadiami, là, on se sentait chez nous, à l'aise, vraiment en famille, et avec ce souci, effectivement, que nous partageons tout, y compris justement ce risque que nous avons pris, et de créer un parti politique dans un cadre qui n'était pas du tout facile. Et d'ailleurs, ici, effectivement, pour vous montrer comment ce n'était pas facile, quand la Société nationale a eu vent de la création du Frodebou. Mais à l'époque, je dois souligner que nous ne l'avions pas appelé Frodebou à l'époque déjà. Nous parlions de Frolide, Front pour la lutte démocratique. Mais quand la Société a eu vent de cela, elle a arrêté des gens qu'elle croyait être peut-être en relation avec cette nouvelle organisation. Et quand nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui n'appartenaient pas du tout alors au Frolide, nous avons changé l'appellation et nous en sommes arrivés au Frodebou, Front pour la démocratie au Burundi. Vous avez commencé et continué votre lutte politique clandestinement, alors qu'après les événements de 88, les événements de Ntega Marangara, le président d'alors, le major Pierre Buyoya, a pris soin de nommer un premier ministre Hutu. Est-ce que cela ne vous a pas rassuré pour abandonner la lutte politique? Non, vous allez d'aller très rapidement, parce qu'il y a un épisode très important par lequel il faudrait peut-être passer. Au lendemain du coup d'État du major Pierre Buyoya, le coup d'État du 3 septembre 1987, moi, je venais d'achever la préparation de mon mémoire de fin de stage, un stage que j'effectuais à l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, INA. Et j'étais retourné à Paris pour la présentation de son mémoire. Et quand le coup d'État intervient, je crois que je peux me tromper, si je me trompe, peut-être les autres rectifieront, mais je ne crois pas que je me trompe. Et le major Pierre Buyoya était à la recherche de cadres, je pense surtout, à intégrer au sein des organes du parti prenant ou du pouvoir. Et je crois qu'il y a eu des contacts avec le président Dadaé. Et c'est ainsi que le président Dadaé nous a fait nommer dans des structures, dans des organes du parti prenant. À l'époque, au mois de décembre 1987, moi j'ai été nommé secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation au parti prenant. Léonard Nyangoma, quelques semaines ou mois plus tard, a été nommé secrétaire général adjoint de l'Union des travailleurs du Burundi. Il y a un autre ami qui est décédé au cours de la crise que nous avons connue, Monsieur Manirambona Juvenal, qui avait été nommé secrétaire national adjoint à la gestion à l'IPRONA. Est-ce que c'est dans cette perspective que Nicolas Malugui est devenu président du parti IPRONA? Non, c'était après. C'était après, je vais y revenir encore des fois. Parce que ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'au-delà de nous qui avions des fonctions, il y avait également Poncier Karigami, qui est devenu plus tard secrétaire général du Frodebou, et Richard Nikumami, qui était également membre du cercle des créateurs du Frodebou, qui avait été nommé membre du comité central de l'ITB, l'Union de travailleurs du Burundi. Alors que Dadaï Melchior avait été nommé premier secrétaire de l'Union de travailleurs du Burundi, donc de l'ITB, dans la province de Gitega. Et c'est ainsi que nous nous sommes infiltrés, pourrais-je dire, à l'intérieur des organes de l'UPRONA. Et plus tard, à la fin de l'année 1988, là, c'est après Ntega Marangara, moi j'ai été nommé secrétaire national chargé de l'Institut Rwagasore. Alors, Nicolas Mayugi dont vous parlez va apparaître comme secrétaire général de l'UPRONA des années plus tard, en 1992, quand s'organise le congrès extraordinaire élargi de l'UPRONA pour adopter le projet de charte de l'Union nationale. Et c'est là d'ailleurs où nous divorçons totalement avec, parce que au lieu de l'organisation d'un congrès extraordinaire élargi de l'IPRONA, nous préconisions plutôt l'organisation d'une conférence nationale pour adopter la charte nationale, mais également pour tracer les lignes directrices de la restauration de la démocratie au Burundi. Vous avez divorcé. Est-ce que vous avez divorcé avec Nicolas Mayougui ou bien avec le parti Iprona? Avec le parti Iprona. D'ailleurs, je pense que le terme divorcé n'est pas correct parce que on n'était jamais totalement en fait Iprona, puisque quand nous avons été nommés secrétaires nationaux ou membres du comité national, du comité central de l'ITB, nous avions déjà créé le parti Fodébou. Je vous ai dit que nous l'avons créé en 1986 et nous entrons dans ses fonctions en 1987. Alors il y a le vent du militantisme qui souffle sur le Burundi, je crois, en 1992. Comment le Fodébou a été officiellement créé? Je vous dirais que après le référendum qui a été organisé, je pense, au mois de mars, le 18 mars, si j'ai bonne mémoire, et 1992, donc pour adopter la nouvelle constitution consacrant le militantisme, il y a eu promulgation d'un décret loi portant sur les partis politiques au Burundi. Et moins d'un mois après, je me souviens bien, le 3 mai 1992, je crois, le parti Sahwanya Fodébou demandait son agrément. Il a été le premier à tenir son assemblée constitutive. Mais, compte tenu justement, visiblement, de la peur qui sont partis inspirés du côté des gestionnaires du pouvoir à l'époque, il y a eu des tentatives de ne pas agréer ce parti. Et c'est ainsi que, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 1er juillet 1992, ce sont deux partis qui avaient été agréés, j'allais dire précipitamment, par le pouvoir pour manifester qu'il adhérait au multipartisme. C'était le PP, je pense, et le PRP, le Parti pour la Réconciliation du Peuple, de feu Mathias et Itibana. À cette époque-là, le Parti Sahwanya Fodébou avait déjà manifesté son intention de... Nous avions déjà déposé la demande d'agrément. Nous l'avons déposé avant tous les autres partis politiques. Mais notre agrément intervient le 23 juillet 1992. Je pense que c'était un ou deux jours avant l'expiration des délais prescrits par la loi. Et je dois vous dire qu'il y a eu beaucoup de pression sur le pouvoir pour agréer ce parti qui tout le monde connaissait comme le parti le plus implanté idéologiquement, politiquement dans le pays et le plus présent. Le parti que tout le monde connaissait, que tout le monde entendait. Et quand nous sommes agréés, le 23 juillet 1992, deux semaines après, nous avons organisé le premier meeting ici à Bujumbura, avait commencé par une grande manifestation. Et après, tout le monde a commencé à voir se déployer au grand jour et les forces du parti Sahwanya Fodébou. Alors que on n'était pas encore dans une période électorale. Non, c'était permis d'organiser des activités des partis politiques. Je vous dirais que c'était vraiment intense à l'époque. Tous les week-ends, les samedis et les dimanches donc, nous organisions des meetings à travers tout le pays. On ne se reposait pas. Et il n'y avait pas d'entrave du tout. Le 23 juillet 1992, le parti Sahwanya Fodébou est agréé. Comment êtes-vous parvenu à la victoire du 1er juin 1993? Nous étions un parti très bien implanté dans le pays. Très très bien implanté. Et nous étions un parti... et dont la voix était entendue dans le pays, même si les médias audiovisuels se limitaient à la radio nationale, et le Fodébou participait régulièrement à des émissions et était écouté. Nous étions un parti qui s'exprimait également à travers la presse. Nous avions monté une presse du parti à travers deux organes, l'Aube de la démocratie en français et Kanura Burakeye en Kirundi, qui se diffusait, bon, autant que faire se peut, à travers tout le pays, particulièrement à Bujumbura. Mais vous savez combien l'information passe très rapidement ici au Burundi. Mais surtout, ce qui a fait que le Fodébou soit très rapidement connu, ce sont ces structures qui étaient implantées, je vous l'ai dit, à travers tout le pays. Il n'y a pas une seule commune dans laquelle le Fodébou n'avait pas de structure dès que nous avons été agréés. Et nous avions une stratégie de diviser le pays en 5 régions, ce que nous appelions des corridors de propagande. Ensuite, nous avions l'échelon fédération qui correspond à la province. Et enfin, l'échelon section qui correspond à la commune. Et à travers toutes ces structures, Rofodebo pouvait donc se faire connaître par les populations. Mais je vous dirais que nous avons également gagné parce que à l'époque, la très large majorité des Burundais souhaitait le changement. À l'élection présidentielle, le parti Savanya Fodebou range Melchior Ndadaye. Qu'est-ce qui a motivé son choix? Mais c'était naturel. C'était le leader naturel du Fodebou. Tout le monde dit Fodebou, tout le monde le voyait. Et il y a eu même des choses, je ne sais pas pourquoi cela a été monté. Et je me souviens que quand nous avons tenu l'assemblée pour désigner le candidat Melchior Ndadaye, nous l'avons presque désigné à l'unanimité. Mais il y en a qui ont dit Melchior Ndadaye a dû batailler fort pour battre tel et tel, alors qu'il n'y a pas eu de compétition, parce que tous nous étions d'accord que c'était Melchior Ndadaye qu'il fallait mettre en avant. Et à l'époque, c'est moi d'ailleurs qui l'ai présenté, qui a présenté ses réalisations politiques depuis la création de Bampère, etc., pour montrer que c'était vraiment la personne qui le Fodebou devait mettre en avant. Ensuite, Léonard Nyangoma, qui était secrétaire national chargé de la propagande, je pense, et a présenté, a demandé à tous les organes d'approuver à l'unanimité la proposition qui était soumise aux membres qui participent à cette assemblée. Ndadaye donc a été désigné presque unanimement. Est-ce que pour arriver justement à cette victoire du 1er juin 1993, est-ce que c'est comme si vous passiez dans les sentiers battus ou bien dans l'entretemps il y a eu des difficultés, non, voire même des échecs? Non, on a travaillé beaucoup. Là, il y a des épisodes dont je ne vous ai pas parlé, que nous avons connus, et depuis que nous étions retournés ici au Burundi, il y a pas mal d'entre nous qui ont connu la prison. Et si Pierre Nabiani a connu la prison, Ndadaye Melchior a connu la prison après les événements de Marangara. Léonard Nyangoma et moi-même avons été chassés, avons été renvoyés de nos fonctions. Et de manière que il ne faudrait pas que les gens croient que ça n'a pas nécessité beaucoup d'efforts. Ça nécessitait beaucoup d'efforts. Ça nécessitait beaucoup de sacrifices. Des sacrifices de la part de nous-mêmes, des sacrifices de la part de nos familles respectives, parce que cela les touchait. Si je vous racontais par exemple comment nous avons géré l'emprisonnement de Ndadaye Melchior, d'abord à la sécurité nationale ici, à Bujumbura, ensuite à Rumonge, si je vous disais comment on organisait son ravitaillement par nos épouses qui faisaient la cuisine pour lui préparer à manger, qui le lui amenaient ici à la société nationale, si je vous disais que je les accompagnais là en même temps que j'étais secrétaire national à l'ICRONA, c'était pas facile. Il fallait être un bon jongleur, pourrais-je dire, pour pouvoir réussir. Le 1er juin, le président Melchior Ndadaye est élu président de la République et du Burundi. Comment les Burundais ont accueilli cette victoire et cette démocratie qui venait de s'implanter? La joie était partout. La joie était partout et là, il y en a qui peuvent vous donner même des témoignages parmi les acteurs politiques d'alors. Parce que tout le monde avait soif du changement. Soif du changement. Et je vous dis que Ndadaye était arrivé vraiment rassembleur parce que dans cette dynamique, malgré les oppositions, malgré les stratégies pour neutraliser la nouvelle organisation politique, nous avons vu venir vers le Fodebou des forces venant de tous les secteurs de la vie nationale, que vous les considériez sur le plan ethnique, que vous les considériez sur le plan des origines régionales, parce que tout le monde avait besoin du changement. Mais aussi, et nous avions éduqué nos militants à ne pas se laisser aller trop rapidement pour ne pas se laisser griser, j'allais dire, c'est le terme de Wagasore, se laisser griser par la victoire. Mosaïque. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle que à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de feu président américain Ndadaye pour comprendre son parcours politique, ses valeurs démocratiques et l'état de lieu de la démocratie au Burundi. Nous avons un seul invité, l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, son compagnon de lutte. Monsieur le président, Ndadaye a été assassiné le 21 octobre 1993, mais 24 ans après, le flou plane toujours sur les vrais mobiles de son assassinat. Qu'est-ce qui explique que le procès reste pendant en justice jusqu'à aujourd'hui? Je pense que l'assassinat du président américain Ndadaye s'explique aujourd'hui par la façon dont la transition du parti unique au multipartisme, de la dictature à la démocratie a été faite. Quand le parti Frodebu est agréé et commence publiquement à mener ses activités, il demande avec force l'organisation d'une conférence nationale qui devait déboucher sur la mise en place d'un gouvernement de transition dont les missions auraient été de résoudre des problèmes qui se posaient dans le pays, notamment au niveau de la composition et de l'action des corps de défense de sécurité, au niveau de la composition et de l'action de la justice, au niveau de la composition et de l'action de l'administration, au niveau de la gestion de la question des réfugiés, au niveau des choix en ce qui concerne les institutions démocratiques en perspective. Cette proposition du Parti Soignant Frodebu n'a pas du tout été tenue en considération et a été rejetée. Rejetée par qui? Par le pouvoir du président Buyoya. Et si vous lisez les discours du président Buyoya, vous aurez de la difficulté à le comparer au Buyoya que vous connaissez aujourd'hui. Parce qu'il disait, écoutez, organiser la transition serait amener le pays dans l'inconnu. Beaucoup de choses. Ces discours peuvent être retrouvés. En deuxième lieu, je vous dirai, pour vous dire que ce n'était pas seulement le souci du Frodebu. Au mois de juillet 1992, le président Buyoya, qui avait créé au mois d'avril une commission d'une quarantaine d'officiers, a eu un rapport de cette commission. J'ai ici donc le titre, synthèse du rapport de la commission chargée de réfléchir sur l'adaptation des forces armées au contexte démocratique du pays. Quand vous lisez ce rapport, dans certaines de ces pages, vous voyez que ces officiers posaient les questions avec des préoccupations patriotiques, avec des préoccupations de paix. Parce qu'ils disaient que l'armée n'était pas adaptée aux exigences de la démocratie. Parce qu'ils disaient qu'il y avait des courants extrémistes dans les milieux tutsis qui pouvait s'opposer à la démocratie. Est-ce que dans les milieux Hutus, il n'y avait pas des courants extrémistes? Oui, je vais vous dire ce qu'il disait justement. Et il disait que le courant extrémiste Tutsi, s'il n'est pas bien géré, portait en lui-même les germes destructeurs. Et en disant ceci, que si l'avancée démocratique se confirme, il est probable qu'on ait à la tête de l'État une personne à laquelle on n'est pas habitué, qui serait en conséquence également commandant suprême des forces armées. Et que si par hasard, si par malheur, il y en a qui seraient tentés de remettre en cause cette donne démocratique, que cela produirait des conséquences néfastes, difficiles, pour l'armée elle-même et pour le pays. Et quand vous analysez ce qui s'est passé dans le pays, vous voyez qu'ils avaient raison. Alors, de l'autre côté, il disait aussi qu'il y avait un autre extrémisme, mais qui, lui, disait-il, avait des difficultés à se développer au vu de ce qu'étaient les forces armées. Il parlait du Parikehutu. Il parlait du Parikehutu. Et qui voulait, disait-il, conquérir totalement le pouvoir pour eux. Alors, c'est là où je vous dis qu'il y a eu cette erreur, que si le major Pierre Buyoya avait écouté ce que nous disions nous-mêmes au niveau du Frodebu, mais également avait écouté ce que disaient ses officiers dans leur rapport, et qu'il avait pensé à organiser cette transition, je pense que le Burundi aurait évité ce que nous avons connu après. Parce que vous l'avez constaté, qu'après que les gens parlent ensemble, discutent ensemble, et qu'ils arrivent à des formules qu'ils mettent en place, cela diminue les tensions. Cela nous a été démontré par Arusha. Et c'est cela, selon vous, qui explique ce qui semble être l'échec du procès de l'assassinat je vais y arriver. Sous le pouvoir du Frodebu, dans les difficultés que tout le monde connaissait, il a été presque impossible de commencer un procès des associés de président Ndadaye. Mais quand le major Pierre Buyoya revient au pouvoir, par le coup d'État du 25 juillet 1996, qui me renverse du pouvoir, une de ses réalisations, ou plutôt une de ses actions, c'est de chercher à faire un procès des responsables du coup d'État. Mais je vais vous dire ici quelque chose de grave. Moi, j'ai une impression que c'était beaucoup plus pour amnistier les vrais concepteurs, les vrais meneurs de ce coup d'État. Et je pense que ce ne sont pas les personnes impliquées dedans qui ont eu l'occasion de se réfugier ici ou là, qui m'ont contredit. D'autant plus que quand la cour rend son arrêt, le procureur général de la République a interjeté appel. Les partis civils que nous constituons avons également interjeté appel. Mais aucune suite n'a été réservée. Aucune. Et c'était en 1998. Aujourd'hui, nous sommes presque 20 ans après. Donc, ça veut dire que le dossier des assassins, des présumés assassins de Bekir Dadaye, est toujours pendant à la justice burundaise. C'est pourquoi je vais prendre cette occasion encore une fois pour interpeller la justice burundaise pour qu'il rouvre ce dossier. Ce qui avait été commencé et qui est intégré dans les procédures judiciaires du Burundi. Je vous dis, ce qui nous intéresse, nous, au niveau des victimes directes, nous avons suivi le procès, il n'a pas été cassé, il est toujours pendant, et nous demandons qu'il soit rouvert. Je demande personnellement qu'il soit rouvert. Le dossier au niveau de la connaissance de la vérité peut être traité par la sévère contre le dossier. Mais la sévère n'empêche pas que l'appareil judiciaire burundais continue à travailler sur tous les dossiers qu'il avait ouvert lui-même. Monsieur le Président Sylvestre Ntibantunganya, 24 ans après l'avènement de la démocratie au Burundi, est-ce que la démocratie se porte telle que l'avait imaginé ce président Dadaye? Non, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au vu d'abord de ce que nous avons connu suite à l'assassinat du président Dadaye. Il y a des crimes odieux qui ont été commis et sur lesquels aujourd'hui nous avons de la difficulté, on vient de parler de l'assassinat de Dadaye lui-même, de la difficulté à connaître toutes les vérités là-dessus. Et c'est là où se trouve par exemple l'importance du rôle stratégique de la commission vérité et réconciliation. Il faut arriver à avoir cette vérité. Parce que cette vérité n'est pas là. Ce sont des manipulations après qui ont des portes ouvertes et auxquelles un acteur politique, pour une raison ou une autre, peut être tenté de recourir. En deuxième lieu, la démocratie, vous savez comment ça se définit. Très simplement, les gens disent c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et se réunit ici? Bon, le pouvoir du peuple, ça veut dire que le peuple s'exprime pour mettre en place des mécanismes à travers lesquels ce pouvoir peut être obtenu. En l'occurrence, le suffrage universel. Et vous savez également que les élections, pour être crédibles, ont des exigences. Et sur ce point, je pense que nous avons beaucoup d'efforts à faire et pour garantir des élections crédibles et apaisées. Alors qu'effectivement, dans ce genre de choses, pour conclure au pouvoir, ce sont les élections qui tranchent. Mais le simple fait de passer par les élections ne suffit pas pour dire qu'un pays est en démocratie. Il faut voir également comment le pouvoir est géré. Et ici au Burundi, comme d'ailleurs ailleurs, nous devons donner une place et une considération suffisante à la liberté d'expression. En Kirundi, on le dit souvent, Kugirijambo, qui est le Burundi partout où il est, qui qu'il soit, peu importe de quelle catégorie sociale, qu'il y sente, qu'il y jouit de la liberté d'expression. Je ne crois pas qu'aujourd'hui tous les Burundais peuvent dire qu'ils jouissent de la liberté d'expression. Il y a des efforts à faire. Mais également, la liberté d'expression doit être vécue de manière responsable. Et vous voyez les problèmes que nous avons au niveau de la conception, au niveau du fonctionnement de la presse au Burundi. Et il y a des restrictions. Il y a eu des rétrécissements suite notamment à la crise que le pays a connue, particulièrement après ou à travers la tentative de coup d'État. Et du 13 mai 2015, nous nous trouvons ici dans votre radio. Il y a des préjudices que vous avez subis pendant ces événements. Il y a beaucoup de vos confrères qui en ont connu aussi. Nous devons faire des efforts là pour que justement la liberté d'expression et les outils par lesquels elle passe soient vraiment rétablis. Mais vous savez également que nous avons des problèmes avec la conception, l'organisation, le fonctionnement des organisations de la société civile. et en démocratie, la société civile est une sorte d'organe vigilant des citoyens pour pouvoir s'exprimer et sur les mises en application des programmes et promis ou alors des actions peuvent être organisées pour assurer le développement des citoyens dans tel ou tel secteur. Mais également, la démocratie exige une très bonne gouvernance qui ne se limite pas seulement à ce que nous appelons la lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, mais aussi sous d'autres exigences, comme la redevabilité de ceux qui ont été élus. Et je ne sais pas si cela se passe, s'il y a vraiment des gens qui acceptent d'être jugés par ceux qui les ont élus, ou qui considèrent une fois élus qu'ils ont plutôt acquis des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils communaux, et qui se trouvent élevés, au lieu d'être justement les serviteurs de ceux qui les ont élus. Ici, je voudrais rappeler au Burundais qui aimait beaucoup parler de Rwagasore, ce que Rwagasore disait. Rwagasore disait qu'un leader a le devoir de servir, servir son pays, servir ses compatriotes, servir sans exiger des rémunérations autres que celle pour laquelle il a été officiellement recruté. Mais quand vous voyez tout ce que nous dénonçons, tout ce qui est dénoncé comme corruption, comme marginalisation économique, vous voyez que les gens ne se contentent pas de rémunération que l'État leur donne. Il y a donc tout un tas de choses où nous devons absolument intervenir pour que la démocratie soit garantie. Mais également, je dirais que la construction de la démocratie se fait progressivement. Et il y a toujours des améliorations qui sont menées ici ou là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des acquis démocratiques qui restent dans le pays 24 ans après? Oui, il y en a. Il y en a, bien sûr. Et on peut faire des restrictions pour la vie démocratique. Mais il serait très difficile aujourd'hui de renvoyer les Burundais à la dictature. Il serait très difficile aujourd'hui de dire qu'il n'y a plus de parti politique au Burundi. Il serait très difficile aujourd'hui, pour ne pas dire impossible, de dire on ne peut plus parler de presse libre au Burundi. Il serait très difficile de dire on ne peut plus parler d'organisation de la société civile au Burundi. Non, ce n'est plus possible. Ça, c'est un acquis. Ça veut dire que dans le sang des Burundais eux-mêmes, ils sentent que cela est une nécessité et une exigence absolue. Mais il y a également, effectivement, des acquis qui ont peut-être produit des problèmes à cause de ce qui s'est passé en 2015, mais sur lesquels on doit être engagé à adopter des stratégies de redynamisation. Je vous ai parlé, par exemple, de l'existence de la société civile, de l'existence de la presse libre. Il y a eu des problèmes, mais les problèmes qu'il y a eu ne peuvent pas être utilisés pour dire que les associations libres de la société civile, qui n'est presse libre, n'est pas nécessaire. Ce sont des facteurs qui nourrissent la démocratie et qu'il faut absolument laisser éclore. Mais cela doit se faire également dans la responsabilité. Et je pense que c'est là peut-être où le débat devrait se mener aujourd'hui. Pas un débat pour nier les nécessités, mais beaucoup plus un débat pour créer davantage un environnement qui permet à chacun de s'épanouir et de nourrir correctement la démocratie. Qu'en est-il des libertés politiques? Parce que j'imagine la démocratie ne se limite pas uniquement à la liberté d'expression. Oui, nous avons un paysage politique burundais en décomposition depuis plus d'une vingtaine d'années. Et cela peut être expliqué politiquement, cela peut être expliqué sociologiquement. Les partis politiques, d'un côté, sont des membres à cause des contradictions internes. Mais d'un autre côté aussi, les partis politiques connaissent des problèmes, peut-être à cause de stratégies et de domination de groupes, notamment au niveau de ceux qui contrôlent le pouvoir. Et je participe régulièrement à hauts cadres qui sont organisés, que ce soit ici au Burundi, que ce soit à l'extérieur, dans le cadre du dialogue nécessaire. Tout le monde aujourd'hui réclame de manière légitime, à juste titre, que l'espace politique burundais soit davantage libéré. Il ne faut pas étouffer l'espace politique. Il faut laisser les expressions des Burundais se manifester. Pour la seule exigence qui est même consacrée par la Constitution, ce cas sera porté atteinte à la paix, à l'unité et à la démocratie, justement. Sinon, il n'y a aucune raison acceptée par la Constitution qui puisse être évoquée pour expliquer des restrictions à faire aux partis politiques. 24 ans après l'assassinat du président américain Ndadaye, on note des acquis démocratiques qui sont là, mais également, selon vous, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Est-il possible de restaurer la démocratie au Burundi telle que l'avait imaginé le président Ndadaye? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire et par qui? D'abord, je veux vous donner une image. Chaque personne aspire à être riche. Et quand elle parvient à accumuler ceci ou cela, vous n'avez jamais constaté qui que ce soit, si ce n'est que par des accidents, qui parvient à décider j'arrête là, je n'en continue pas. On cherche toujours à accumuler pour avoir davantage au niveau des richesses. Il faut que cela prévale même dans la promotion de cette richesse commune qui est la démocratie. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous devons savoir que d'abord, par notre culture, nous sommes un peuple de dialogue. Moi, j'ai assisté dans ma jeunesse aux rôles joués sur nos collines par ce qu'on appelle les machinganai pour résoudre les conflits locaux. Comment ils se donnent le temps pour écouter les uns et les autres. Ensuite, pour les conseiller. Et pourquoi pas même pour les punir en vue de les redresser. Mais à partir d'éléments rassemblés, de part et d'autre, de ceux qui sont en conflit. Nous avons donc dans ce pays la culture du dialogue. Dans ma jeunesse, j'ai toujours entendu dire « Kumugabo atabumbi zoga avumbi jambo » Il va écouter. « Urubanza nugwiki » Écouter. Évidemment, sera assaisonné par la boisson. Je pense que donc, dans l'édification de notre démocratie au Burundi, nous devons absolument bien identifier la place et le rôle que nous devons donner au dialogue, de manière convaincue et de manière convaincante. En deuxième lieu, nous devons savoir en démocratie que pour accéder au pouvoir, ce n'est plus une question d'être né pour ceci. C'est une question de se faire sanctionner par les Burundais à travers le suffrage. C'est pourquoi il faut bien organiser les élections qui sont appelées en fait à trancher dans la compétition entre ceux qui aspirent au pouvoir. Et nous devons cultiver dans nos pratiques, dans nos comportements, un esprit de reconnaissance de ce que le peuple a décidé à travers le suffrage. Celui qui a été élu doit pouvoir exercer le mandat que le peuple lui a confié. Celui qui n'a pas été élu doit pouvoir continuer à s'épanouir justement dans l'ordre démocratique dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous devrions aujourd'hui commencer à dire aux leaders burundais qui aspirent demain à se faire élire comme président de la République, à savoir qu'en lendemain d'une élection, si vous êtes démocrate, si vous avez perdu l'élection, votre premier devoir est de prendre votre téléphone, d'appeler celui avec lequel vous étiez en compétition qui a gagné pour lui dire « Félicitations, c'est pour le pays ». Et là, revisitons encore une fois les discours qui ont été prononcés par nos héros et Rwagasore et Ndadaye. Ce n'est pas nous qui avons gagné, c'est le peuple burundais qui a gagné. En troisième lieu, on doit laisser celui qui a gagné effectivement exercer son mandat, je l'ai dit. Mais lui aussi doit savoir qu'en exerçant son mandat, il l'exerce au nom et à la faveur de tous les Burundais et non à la faveur du parti dont il est issu. Et ça, c'est un travers que nous avons connu dans ce pays depuis pratiquement le temps du parti unique Iprona jusqu'aujourd'hui. Il y a des redressements à faire aujourd'hui sur ça. Et je pense donc que si nous raisonnons dans ce sens, il y a moyen de créer un environnement qui favorise la résurrection de la démocratie, la consolidation de la démocratie au Burundi. Et toute la classe politique est interpellée à jouer son rôle. Absolument. Parce que quand vous analysez l'histoire d'autres pays. Des fois, nous condamnons uniquement ceux qui sont au pouvoir. Mais je pense qu'il y a également des responsabilités de la part de ceux qui s'inscrivent dans l'opposition. Je vous donne un exemple. En 2005, le président de la République devait être élu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si les partis politiques qui avaient des députés à l'Assemblée nationale s'étaient mis ensemble pour dire « nous allons négocier, nous allons présenter un candidat », quitte après avoir comment nous allons négocier avec le candidat du CNDD-FDD, ça se serait fait. Mais ils ont été incapables, se sont présentés émiettés. En 2010, après les élections communales, des partis politiques de l'opposition se sont retirés des élections. Il y a des arguments qui ont été avancés. Mais quand vous faites parler les chiffres, vous sentez que s'ils s'étaient mis ensemble, ils auraient pu réunir au moins une grande minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Et là, il y aurait des choses qui ne se sont pas parce qu'ils ne se seraient pas passées. Là, ce sont des responsabilités de l'opposition qui ne parvient pas à faire des choix, qui ne parvient pas à se surpasser, ou des individus ne parviennent pas à se surpasser pour l'intérêt général. Bien évidemment, il y a également les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir, parce que là, ils ont le pouvoir qu'ils doivent exercer, je l'ai dit tout à l'heure, au nom de tout le peuple burundais et non au nom d'un parti politique. Monsieur le Président Sylvestre Ntibantunganya, un dernier mot pour honorer la mémoire de ce président Melchior Ndadaye. Je pense que nous avons un devoir. Il a donné sa vie pour que nous vivions dans la démocratie, dans la liberté, dans la tolérance, pour l'épanouissement socio-économique du peuple burundais de manière équitable. Je pense que là, il y a des redressements que nous devons faire les uns les autres. Mais c'est toujours possible. Bien sûr, c'est possible. C'est sur ce mot d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. L'invité de Mosaïque était le président Sylvestre Ntibantunganya, à qui nous disons merci. Merci aussi. Et je remercie aussi ceux qui se sont donné la peine de nous écouter dans cette émission. Nous disons également merci à François Akimana pour la mise en onde et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Au micro, vous étiez avec Joseph Sabiabandi. Très bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.